Chapitre 10e. Un mois plus tard, toute la tribu se remettait au travail. Les enfants galopaient parmi les arbres. Le jus des fruits mûrs leur dégoulinant sur la poitrine et poissant leurs bouches et leurs mains avides. Ils s'en donnaient tous à cœur joie. Les beaux fruits, sitôt cueillis, étaient épluchés par les femmes qui les mettaient en bocaux. Les hommes charriaient le bois et maintenaient les feux sur lesquels les grandes marmites d'eau bouillaient. Tous les bocaux passaient plusieurs minutes dedans avant de trouver leur place dans les chariots. Cela dura 3 jours et 3 nuits pendant lesquels ils se gavèrent de pêche. Bien sûr, ils en gardaient également pour la tribu. L'hiver n'était plus très loin désormais. Encore 2 mois avant que la première neige ne tombe. Rapidement, le chargement quitta Big Springs pour le magasin de M. Johnson à Waco. Celui-ci, plus que satisfait, réitéra la même commande pour l'année suivante. À peine revenu de la ville, les chariots dételés et les chevaux bouchonnés, Patrick retroussa ses manches. Il agrandit sa maisonnette, fit une belle cheminée en pierre dans laquelle un bœuf entier pourrait rôtir, et passa une belle couche de peinture blanche sur toute la façade. Enfin, l'arme de pluie, les larmes aux yeux, très fière, accrocha ses beaux rideaux aux fenêtres. Bien sûr, pensa Patrick, il n'y avait pas de comparaison possible avec la belle demeure de Springfield. Mais un jour viendrait où la sienne dépasserait cette dernière. Il faudrait juste que les prochaines années soient aussi prospères que celle-là. Après tout ce labeur harassant, ils s'étaient tous octroyé quelques jours de repos. Mais pour que la prochaine récolte soit aussi bonne, sinon plus, il fallait labourer de nouveau. Patrick pensait qu'il lui faudrait rapporter et planter quelques jeunes arbres de la petite forêt où il s'était approvisionné. Il faudrait bien sûr bien des années avant que ceux-ci, s'ils en réchappaient, ne donnent du bois. Mais il pensait aux générations futures, et cela valait la peine d'essayer. Les Navarros, à tour de rôle, repartaient chasser les quelques bisons qui restaient. Il fallait de la viande pour l'hiver. Les pommes de terre étaient rentrées, les haricots secs remplissaient plusieurs jarres, tout était fin prêt pour accueillir la morne saison. Au premier frimas, vieux sage ne se sentit pas bien. Il demanda à voir Chevelure d'argent, ses arrière-petits-enfants, et s'éteignit doucement dans la nuit de sa 101e année. Les Navarros rendirent hommage au vieux chef pendant 3 jours, et chacun sentit un grand vide en lui. Vieux sage avait vécu si longtemps que personne ne pensait qu'il pourrait mourir un jour. L'arme de pluie chantonnait doucement pour endormir Josh et Jessie. Les petits monstres ne faisaient pas très bien leur nuit. Les premiers grands froids leur déplaisaient. Leur mère ne les sortait quasiment plus, et ceux-ci, confinés dans la maisonnette, rampaient en tous sens sans pour autant extraire toute leur énergie. Patrick n'osait plus marcher, de peur d'écraser une petite main. Au mois de décembre, pour la 2e année consécutive, la neige tomba abondamment, recouvrant tout le paysage. Les Hogans prenaient des allures fantomatiques. Les vieillards toussaient énormément, ainsi que bien des enfants. Patrick décida de parler à Chevelure d'argent. « Tu sais, père, il faudrait construire de petites maisons en bois comme la mienne, avec des cheminées. Les Navarros auraient moins froid. Il y a parmi vous des anciens, des nouveau-nés, et l'hiver est si rude. « Ton intention est bonne, mon fils, mais depuis la nuit des temps, les Navarros ont toujours construit et vécu dans des hoganes. On ne peut tout chambouler en un clin d'œil. Mon peuple ne comprendrait pas, ni ne l'accepterait. « Certes, reprit Patrick, s'entêtant pourtant, nos ancêtres, à ce que l'on a dit, vivaient à l'origine dans des grottes, et peu à peu ont construit un habitat plus adéquat. Lorsque vous étiez au Nouveau-Mexique, viviez-vous dans des hoganes? Nous n'avions pas le droit d'en construire dans la réserve. Les hommes blancs nous entassaient dans de petites bicoques sans chauffage. Crois-moi, fils, nos hoganes nous manquaient terriblement. Ils étaient bien plus confortables et plus chauds avec nos peaux de bison. Tu es pourtant rentré dans notre petite maison, père. Admets qu'il y fait bon vivre. Le bois est plus chaud que la terre qui recouvre vos logis. Cela a aussi l'avantage d'être plus spacieux, et avec la chaleur de la cheminée, il y a plus de confort pour faire la cuisine. On y est comme en été. Vois, mes enfants ne sont pas malades. Les petits Navarros toussent beaucoup. Certains sont même alités avec de la fièvre. Repense bien, père, à tout ce que je t'ai dit. Après la moisson de cette année, nous pourrions construire plusieurs petites demeures comme la mienne. Cet hiver-là fut terrible. 7 enfants et 4 vieillards périrent. Même Chevelure d'argent fut très malade et resta près d'1 mois entre la vie et la mort. Patrick saurait, bien des années plus tard, que cette horrible maladie décimant des millions de personnes de par le monde s'appelait la grippe. Les Indiens n'avaient quant à eux jamais eu cette maladie rapportée par les Blancs. Ils y étaient donc très sensibles et furent touchés de plein fouet. Tout comme la variole avait elle aussi éradiqué une tribu entière. La cause en fut des couvertures que des hommes blancs avaient retirées d'hôpitaux où sévissait une épidémie et qu'ils avaient octroyées à de pauvres êtres mourant de froid. Le printemps fut presque aussi dur que l'hiver. Peu de soleil, beaucoup de précipitations et un froid persistant. Patrick emmena Chevelure d'Argent faire sa convalescence chez lui. Un matin, les frimas disparurent et le soleil se fit plus chaud. Chevelure d'Argent s'adressa à son peuple. Dans les premiers temps, les Indiens refusèrent tout net. Il était hors de question de ressembler à un blanc. Jamais ils ne pourraient vivre enfermés comme eux. Peu à peu, pourtant, grâce à Patrick qui les invitait à visiter sa maison, ils comprirent que loin d'être une prison, tout ce confort serait en définitive bien plus agréable à leur bien-être. Des 5 familles Navarro vivant dans le village, tous, neveux, nièces, tantes, oncles et cousins du vieux chef, à la fin du printemps, ne rechignèrent plus à faire construire une maisonnette. Cette période fut de nouveau plus que harassante pour tous. Patrick travaillait sans relâche à couper les arbres, les débiter en planches et les assembler comme il l'avait déjà fait pour lui. Les Navarros l'aidaient de leur mieux, mais qui savait mieux que chien hurlant faire des meubles, prendre des mesures, etc. Pour que tout soit fini à temps, les Navarros s'occupèrent de la terre, la moisson, la récolte des pêches et la mise en bocaux. En ce début de printemps 1873, Patrick et l'arme de pluie regardaient courir leur progéniture avec celle de Bison Ardent, marié lui aussi 6 ans auparavant. Josh et Jesse, leurs 2 fils, du haut de leurs 4 ans, gambadaient joyeusement, tentant de grimper aux arbres, chassant les poules et faisant 1000 bêtises. Pour Patrick, désormais, le passé et l'horreur étaient derrière lui. Ils étaient heureux. Leur maison, à présent, était 2 fois plus grande et plus belle que celle du ranch de Springfield. L'année précédente, Patrick fit venir un convoi de Dallas contenant des pierres taillées. Il voulait que sa demeure soit construite comme celle des grandes villes, en dur. La construction prit 1 an. Les Navarros avaient suivi le mouvement et amélioré grandement leur habitat. Quelques-unes de leurs demeures étaient tout simplement somptueuses. Chevelure d'Argent ne marchait plus. Tous les matins, ses fils le transportaient sur sa terrasse et là, dans son confortable rocking chair, il regardait ses enfants travailler et ses petits-enfants se chamailler. Il était comblé, mais de plus en plus, il parlait de sa femme qu'il chérissait toujours autant, malgré le nombre d'années passées sans elle. Il parlait toujours du jour où il la rejoindrait, et cette idée lui revenait incessamment. Il savait que Bison Ardent, son fils aîné, prendrait sa place de chef à la tête de la petite tribu qui était restée là. Ce dernier était responsable et assez âgé pour lui succéder dignement. Patrick, les yeux dans le vague, se remémorait ce qui s'était passé 2 ans plus tôt. Ce matin de printemps, où il avait demandé à Bison Ardent d'aller inspecter les 2 dernières parcelles acquises au début de l'hiver précédent. Adossé à la balustrade de la véranda courant tout autour de sa maison, il vit revenir son frère ventre à terre sur son nouveau cheval, dont il n'était pas peu fier. Couvert de poussière, il se dirigea vers lui. « Alors, que fera-t-on pousser là-bas ? »« Rien, mon frère, rien du tout. J'en ai bien peur. Cette terre est impure, elle sent mauvais, et de l'eau noire et gluante en jaillit un peu partout. Nous n'avons vraiment pas fait une affaire en achetant ces 2 dernières parcelles. Enfin, je te comprends. Ton rêve s'est finalement réalisé. Notre territoire est entier. Bon, faisons une croix, comme tu le dis si bien, sur ces 2 lopins, et estimons-nous heureux qu'il n'y en ait eu que ces 2-là de malsaines. Attends, je n'ai pas bien compris. Tu me dis qu'il y a des sources d'eau noire qui jaillissent de cette terre? Non, elle ne jaillit pas, cette eau. Elle stagne. Elle est huileuse et sent décidément mauvais. Bison Ardent, mon frère, si ce que tu viens de me dire est vrai, alors nous allons être riches, si riches que jamais tu ne pourras dépenser tout ton argent. Bison Ardent regarda Patrick et, secouant sa tête, dit à sa sœur qui venait de sortir. Ton mari devient fou. Il est resté trop longtemps au soleil. Il pense qu'avec de l'eau sale, noire et nauséabonde, nous allons être riches. Je vais faire boire mon cheval et enlever toute cette poussière. Peut-être que, lorsque je reviendrai, son esprit sera lui aussi redevenu lucide. Il s'éloigna, suivi docilement par sa monture. Les Navarros avaient un don avec les chevaux. Patrick se perdit de nouveau dans ses pensées. Comment diable déjà s'appelait cet homme qui, en 1858, avait découvert le pétrole, que les Navarros, comme Bison Ardent, appelaient de l'eau puante? Ah, le colonel Drake, c'était ça. Il avait installé de drôles de machines que les hommes blancs avaient fabriquées spécialement et dont Patrick n'avait pas la moindre idée sur leur fonctionnement. Tout ce qu'il se rappelait était que ce fameux colonel Drake était, grâce à sa découverte, devenu richissime et qu'il dépensait sa fortune à tout va. Les puits de pétrole sur ces terres étaient inépuisables, presque 20 ans après leur découverte et exploitation. Ils donnaient autant qu'à leur début. Il décida de se renseigner à Waco. C'était peut-être la chance de leur vie. Il avait rempli son contrat vis-à-vis de ses frères Navarro, mais il pourrait devenir riche et se mettre, ainsi que les générations futures, à l'abri du besoin. Il mettrait également sa richesse au profit de ceux qui avaient eu moins de chance que lui. Il avait trimé pendant bien des années. Il avait perdu sa première femme et ses petits. Il avait droit, lui semblait-il, de penser désormais à l'avenir. Perdu profondément dans ses pensées, il n'avait pas entendu les deux chevaux s'avancer jusque dans l'allée. Un homme âgé et un autre plus jeune, d'une vingtaine d'années, s'arrêtèrent devant sa véranda. Stupéfait, Patrick n'en crut d'abord pas ses yeux.